les nuits de Tunis, de Sonichniti. Dans la complicité de la clarté bleuâtre, on sent autour de soi voltiger des baisers, qui des francs ivoirins vont aux gorges d'albâtre et chassent à l'amour toujours inapaisé. Mignonne, pourquoi donc votre épaule vient-elle de tressaillir soudain d'un si gentil frisson? C'est que vous avez cru ressentir le coup d'aile au pli de votre cou d'un petit papillon. Mais non, mignonne, non. C'est un baiser qui passe et se pose un instant dans le lit de satin qu'une fossette creuse au montant qu'il embrasse avant de s'élancer vers un autre butin. Puis à vous sans tarder le voici qui revole. Votre parfum d'amour l'attire et le séduit. Et moi, je sais le voir qui doucement vous frôle quand vous croyez chasser un papillon de nuit. Il part enfin, grisé du miel de votre lèvre, et vous, vous êtes lasse et sans savoir pourquoi, et vos yeux sont cernés, combattus de fièvre, et votre sein se gonfle en un étrange émoi. Mais vous êtes voué à l'heureuse souffrance, jusqu'en votre sommeil le papillon viendra, voler autour de vous. Dans son impertinence, qui sait où le baiser vainqueur se posera? Et dans la nuit stellée, où passant baiser, chacun reste étonné du transport qu'il agite. Sous l'œil malicieux des astres irisés, Tanit n'est plus Tanit, et devient Aphrodite. On se sent pris au sein du merveilleux décor, du désir d'être nu dans la splendeur des choses, et de s'étendre ainsi sous le regard velu d'or qui semblait préparé pour les apothéoses.